Histoire de page 17. Les établissements Rivin de 1860 à 1987. En 1860, Jules-Émile Rivin et son épouse Françoise Sébron achètent la fabrique de cierges, bougies et chandelles, Marsay, située 3 rue Thionville à Château-Gontier. Il possède également un fondoir de suif, boulevard de la Croix-Tête, pour fabriquer les chandelles. Avec le développement de l'électricité, les ventes de bougies et chandelles diminuent. Il faut penser à une reconversion. Sur les conseils du frère de son épouse, Jules-Émile Rivin se lance dans la fabrication d'encaustiques. En 1877, Charles Rivin rachète à son frère Jules-Émile la fabrique. Il a l'idée de conditionner l'encaustique, alors vendu en gros emballage, directement dans des boîtes. Le 30 juin 1890, Charles Rivin dépose deux nouvelles marques de produits d'entretien. La pommade gauloise pour polir et nettoyer les cuivres et l'encaustique au vernis Charles Rivin pour meubles cirés et vernis. Après son décès, le 1er février 1913, son épouse, Berthe Rivin, poursuit l'activité. Leur fils cadet, Camille, rachète l'entreprise familiale en 1919. Les bâtiments de la rue Thionville étant devenus trop petits et dangereux, la fabrique déménage boulevard Victor Hugo en 1928. Durant ces années, Camille Rivin développe de nouveaux produits comme l'encaustique liquide et la graisse de chasse, C. Rivin, pour chaussures. En sommeil durant la guerre, faute de matières premières, la fabrication de l'encaustique reprend en 1947. Camille Rivin lance un nouveau produit, le cirage Rivasol. Dominique Rivin prend la succession de son père en 1958 et s'associe à son beau-frère Antoine Lemel. Ils reprennent la direction générale de la fabrique d'encaustique au vernis Charles Rivin sous le nom de SNC, établissement Rivin et compagnie, jusqu'en 1987. Ils sont encore nombreux aujourd'hui à vanter la qualité des produits Rivin. Nos remerciements à la famille Rivin. Cette page est illustrée par trois photos, l'une représentant les produits divers encaustiques, cirage Rivasol et produits pour les meubles, et deux autres photos représentant des véhicules de l'entreprise Rivin lors de caravanes publicitaires.